Sur internet, il y a eu plein de théories sur les Illuminati, mais personne sait vraiment ce que c'est. Les Illuminati, ou plutôt les Illuminaten, comme on dit en allemand, et comme ils sont originaires d'Allemagne, on va dire ça, aussi appelés les Illuminés de Bavière en France, c'est un ordre secret qui se réclame de la philosophie des Lumières et qui a été créé en 1776 par un bouc du nom imprononçable de Adam Weishaupt. Pour faire bref, les Lumières, c'est un courant philosophique, littéraire et intellectuel qui date d'il y a v'là longtemps, et en gros, c'est un groupe d'intellos qui sont contre les oppressions religieuses et spirituelles, et pour la raison et les sciences, contre la foi. Par extension, ils sont aussi contre la noblesse et le clergé, ce qui a foutu un beau bordel, ce qui va mener à la Révolution française et aussi à la décapitation la plus célèbre du monde. Pour rentrer dans l'ordre des Illuminés de Bavière, on se fait déjà contacter par un membre de l'organisation à l'intérieur. Et il faut remplir une déclaration de confidentialité, aussi appelée revers, extrêmement chelou. Je sous-signe et m'engage sur mon honneur à ne jamais faire connaître à qui que ce soit la moindre chose de ce qui m'a été confié par mon recruteur à l'occasion de mon admission dans une société secrète. À ce stade, le candidat, il connaît aucun des buts de l'ordre. C'est encore hyper fermé pour lui. Ensuite, pour intégrer l'ordre, la recrue elle va devoir répondre à des questions très très poussées sur ses amis, sa famille, ses correspondances, les livres qu'il détient, les lectures favorites, les finances, ses potentiels ennemis et ses potentiels protecteurs. Par la suite, va falloir qu'il rende un compte-rendu tous les mois dans lequel il fait état de toutes ses correspondances, ses tentatives de recrutement, qui se font d'ailleurs dès le début, hein, c'est même encouragé de recruter soi-même des gens dedans, parce qu'une fois que tu fais rentrer toi-même des gens dans la société secrète, bah t'as moins de chances de la quitter parce que tu fais du lien social. Les évolutions de tes réflexions personnelles et une autocritique. À savoir que l'autocritique privée mais aussi publique était très encouragée chez les Illuminés de Bavière. À la fin du noviciat, où tu quittes l'état de novice, hein, de gros noob des Illuminati, il fallait aussi rédiger un pensum, un essai sur un thème philosophique qui t'était attribué. Ils avaient aussi des listes de lectures proposées, surtout de la philosophie, l'idée étant de rompre avec les dogmes religieux et conservateurs. Du coup, ils se dirigeaient plutôt vers des références de l'Antiquité qui étaient antérieures au christianisme. Pour vous donner un exemple, le nom de code de Adam Weishaupt, oui, parce qu'ils avaient des noms de code, c'était James Bond, le bordel. Spartacus, hein, voilà, il a pas choisi le truc le plus pété du tiroir. Mais en même temps, le premier grade, et on reviendra sur les grades après, c'est les novices. Et lui-même se fait appeler le général, ce qui sont des références aux jésuites. Jésuites qui étaient des religieux catholiques de l'époque. Et donc, qui dit catholique, dit référence au christianisme. Donc les frérots, ils sont déjà un peu en contradiction avec le fait de se séparer de l'église, tout ça. Mais bon, on peut dire qu'ils ont pris ce qu'ils aimaient bien, hein, genre les noms de code un peu stylés et tout, et qu'ils ont laissé tout le reste, pourquoi pas. Adam Weishaupt, le créateur de cet ordre, il est né en 1948 en Allemagne, et il est élevé par son parrain à l'université au nom imprononçable de... Ingolstadt. Ouais, celle-là, là. Voilà, dont son parrain est professeur et recteur. Très jeune, il va avoir accès à la librairie universitaire, mais aussi aux livres qui ont été écartés car censurés, ou tout simplement controversés pour l'époque. Il se construit comme un esprit libre, il va étudier l'histoire, le droit, la philosophie, les sciences politiques, avant à son tour de devenir professeur à l'université imprononçable. Ingolstadt. Très vite, il va apprécier s'entourer d'étudiants passionnés, et il va discuter avec eux de lecture académique, de la condition de l'homme, tout ça, le frérot se pose plein de questions. Dans ses réflexions, on se rend compte que l'humanité est au centre de ses pensées, était une notion qui était très réfléchie par les penseurs de l'époque, tout comme ses autres sujets de prédilection, la liberté, l'égalité, la fraternité, non c'est pas ça, la morale, voilà. Et c'est à cette période qu'il va commencer à envisager créer un groupe avec qui partager ces valeurs-là. Et avant d'en parler en détail, c'est important de préciser qu'à cette époque-là, les ordres secrets de machin truc, et de façon plus large, les groupes de réflexion politique et philosophique, c'est assez monnaie courante, ça se fait. En France, ça se passait beaucoup sous la forme de salons. En Allemagne, c'était plutôt dans les universités. Donc c'est pas un zozo qui s'est tapé un délire tout seul, c'était plutôt commun dans les milieux intellectuels de créer des guildes comme ça. Bref, ils décident de monter une sorte d'école de pensée dans laquelle les participants seraient solidaires, pourraient se partager leurs ressources matérielles, leurs lectures, etc. D'ailleurs, ils vont faire un catalogue avec l'inventaire complet de toutes les bibliothèques des uns et les autres pour pouvoir les partager. C'est assez stylé pour l'époque. Mais surtout, c'est de cette réflexion que sont nés les Illuminés de Bavière en 1767. Et au début, c'est un carton, c'est faux, ça bide énormément. Oula, gros malaise. Tellement que pendant un bon gros moment, ils étaient 5. Hein. C'est pas une société secrète, c'est un club de lecture, le merdier. Donc son objectif, c'était de contrer les anti-lumières, hein. D'ailleurs ils auraient pu faire un effort sur le nom, ils auraient pu s'appeler genre les Dark, tu vois, un truc un peu cool à la Final Fantasy, tu vois, fais nous rêver au point où t'en es, fais nous voyager frérot, tu vois. Mais on va pas se mentir, hein, à 5 clampins contre l'église catholique, c'était pas gagné de ouf, même si pour l'époque il avait des gens stylés comme Erasme et d'autres gens où je sais pas qui c'est, mais apparemment ils pesaient dans le philosophy game. Et donc leur idée, c'est d'empêcher les Dark là de détourner l'humanité des progrès de la science et de l'esprit. À ce propos d'ailleurs, il y a un des membres qui va dire: dans notre serment, nous nous obligeons de faire commune, c'est-à-dire de communiquer toutes les connaissances, toutes les sciences, à tous les hommes, autant qu'il est possible et convenable au vu de l'illustre ordre. Ouais, enfin, calme-toi, frérot, hein, vous êtes même pas une demi-équipe. équipe de foot, les jésuites au contraire tâchaient toujours de posséder seuls des connaissances et de supprimer les sciences, de rendre les gens dévots et hypocrites. Bref, du coup, ils commencent à comprendre qu'il va falloir peut-être penser à s'agrandir pour remplir cette mission. Et c'est pas facile, parce que si tu veux, les gars, ils peuvent pas vraiment mettre des annonces sur Le Bon Coin en mettant « Ouais, on cherche des gens éduqués ou des étudiants pour notre société super secrète. Écrivez à Adam Weishaupt à l'adresse suivante, mais chut !» Du coup, après une longue galère, ils finissent par trouver une solution. Allez, piquer les membres d'autres sociétés. C'est vraiment une guilde dans World of Warcraft quand il n'y a pas assez de membres pour partir en raid. Même délire. Plus précisément, ils vont aller piquer des membres des francs-maçons qui avaient une philosophie assez similaire à la leur. Sauf que eux, ils avaient pas vraiment le rejet de la religion, en gros, hein. Eux, ils se disaient les héritiers des Templiers pour une Europe chrétienne, nanana. Pas mal de membres qui étaient aussi membres de l'église. Et comme les Illuminés, eux, décident de ratisser large, ils vont un peu se calmer sur les discours anticléricaux. Et ils vont au calme s'infiltrer dans des réunions de francs-maçons pour prospecter comme des vieux vendeurs d'encyclopédies. Retrouvez tout l'univers, la collection indispensable à la réussite des enfants. Et les plus jeunes n'auront pas cette référence. Je suis vieux. Bref, ça marche très bien et les effectifs vont grandir de leur côté. Faut dire qu'on est dans un contexte historique qui est propice à ce genre de truc où les gens construisent des utopies et réfléchissent ensemble à un monde nouveau. Selon différentes listes, oui, parce que c'est le problème avec les sociétés secrètes, c'est un peu dur de dresser la liste des membres. Mais si on prend les recherches menées en 91 par Hermann Schuttler, on considère qu'il serait passé de 5 membres sans compter Adam Weishaupt en 1776 à plus de 1400 membres 5 ans plus tard. Alors c'est pas giga impressionnant hein, en vrai, parce que nous, bon, on aurait fait un événement Facebook privé, ça aurait été réglé. Mais quand même, pour un truc qui marche au bouche à oreille, bah ça fait pas mal en peu de temps. Genre, en France, on considérait que les francs-maçons étaient un peu moins de 20 000, alors qu'ils étaient déjà vachement bien installés. D'ailleurs, on considère que 40% de l'effectif des Illuminés, là, c'était des francs-maçons à l'époque, et que 14,7% étaient eux-mêmes membres du clergé. Bon alors du coup, c'est pas avec la fine équipe, là, qu'on va renverser l'église, hein, vous vous en doutez, mais grosso modo, la plus grande partie étaient des fonctionnaires civils, c'est-à-dire des personnes qui font partie de l'appareil d'État, des élites germaniques, tout ça à hauteur de 44,2%. Bon voilà, ils commencent à avoir un peu de street cred, tout va bien, jusqu'au 20 juillet 1785. Je vous dresse le tableau, extérieur nuit, il est 17h, et deux hommes à cheval se baladent dans la campagne allemande, près de Ratisbonne. Tout d'un coup, il y a un violent orage qui va éclater, nos deux cavaliers sont trempés et décident de presser leur monture pour atteindre au plus vite un petit presbytère du voisinage pour s'y abriter avant de reprendre leur chemin. Mais le ciel, il va en décider autrement, il se déchaîne, le tonnerre gronde, et tout à coup, la foudre frappe le plus vieux des deux voyageurs. Dans les 24 heures qui suivent, deux éléments déterminants vont se produire directement. D'abord, le curé Frobenius est chargé de s'occuper de dresser le procès verbal du défunt, et qui sera identifié comme s'appelant Lance, ou plutôt le père Lance, va découvrir dans les affaires de l'homme décédé une note. Cette note, elle va révéler une information capitale. Le père Lance était en chemin pour une mission d'information pour le compte d'un ordre secret, les Illuminaten. Deuxième élément, c'est son compagnon qui s'est échappé, c'était nul autre que le créateur des Illuminaten. Vous vous en doutez, la note, elle est immédiatement envoyée aux autorités. La nouvelle, elle se répand comme une traînée de poudre et ça va être la destruction des Illuminaten. L'idée générale, c'est que l'ordre doit être contré à tout prix. Ils sont puissants, ils sont dangereux. On dit même qu'ils seraient les instruments de Joseph II, le frère de Marie-Antoinette et empereur du Saint-Empire, ou pour citer son nom exact, parce que c'est important d'être précis dans ces vidéos, Joseph par la divine clémence, empereur des Romains, toujours auguste, roi de Germanie, de Jérusalem, de Bohême, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si ? Joseph, il est pas trop aimé parce qu'il est giga moderne et réformiste. Il voulait soumettre l'église à l'État, abolir le servage et l'accession à la propriété des paysans en tenure. Il fait tout ça un peu trop vite aux yeux de beaucoup de gens. Vous voyez de quel beaucoup de gens on parle. C'est pour ça que les Illuminati vont être accusés d'être ses pions, même si vu le blaze du frérot, je suis pas persuadé qu'il ait eu besoin de ce genre de pions. Finalement, l'ordre des Illuminaten sera interdit en Bavière sous peine de poursuite. Du coup, les plus trouillards se désolidarisent complètement, mais alors vraiment comme des lâches, hein, vraiment en mode « Non, c'est pas moi, je vous jure, si Adam, il a tout fait tout seul. » Et je balance « Goethe » qui a dit ça, voilà, gros lâche, va. D'autres vont perdre leur emploi ou leur place dans l'église. Certains s'enfuient, d'autres sont emprisonnés. Et finalement, bon, l'ordre est très très affaibli. Adam, lui, il va s'enfuir et il va écrire des livres sur ce qu'il voulait pour les Illuminaten. Et dans l'un de ses livres, il va dire « Ici, on n'a jamais pensé à renverser les États. Le but profond du plan visait des générations entières. On ne voulait rien d'autre que ce que doit vouloir tout gouvernement s'il est bon et raisonnable. On voulait donner un nouvel intérêt à la morale et surtout agir sur l'amélioration du monde futur par l'éducation et son propre perfectionnement. Et de cette manière, éviter tout abus. » Il va s'agir désormais d'agir dans la clandestinité, on arrête de faire du gros recrutement de ouf, ils essayent de survivre hors de l'espace germanique. Bon, en gros, je vous la fais courte, mais ils ont essayé de se déployer un peu partout, en France, à Paris, en Italie, en Angleterre et aussi un tout petit peu aux États-Unis, notamment en Caroline du Sud, et ça ne prend pas du tout. En gros, les Illuminati vont disparaître petit à petit ou rentrent dans les francs-maçons. Pour qui c'est pas toujours tout rose non plus, mais c'est pas le sujet du jour. Et ça devrait être la fin, mais ensuite, il y a eu un truc qui s'appelle Internet. Hello there. Parce que si c'est la fin des Illuminati, c'est au contraire que le début des histoires sur les Illuminati. Et entre en scène Baruel, un auteur qui est aussi un ancien jésuite et qui en a gros sur la patate. Une grosse patate. Parce que genre, les lumières radicales dont certains étaient des Illuminati ou proches des Illuminati, les ont grave attaqués et dénoncés comme étant des zozos, et ce depuis plusieurs décennies. Il aime pas les lumières et les Illuminati. Il est Team Darkos et c'est un semar. Tellement semar qu'il va écrire un livre dont le titre est incroyable. Je cite... Les jésuites chassés de la maçonnerie et leurs poignards brisés par les maçons. Donc les Kikudark, ils sont un peu en PLS parce que ça sent la guillotine et la révolution. Et ce, en France, mais partout en Europe de manière générale. D'après eux, à votre avis, c'est la faute à qui? Jouer à la maison? C'est la naissance des théories conspirationnistes sur les Illuminati. Parce qu'en plus, le livre de Baruel, c'est genre un best-seller de ouf en France. Et il va s'exporter même en Angleterre et aux États-Unis. Il y a aussi un deuxième gars écossais, c'est John Robinson, qui va faire pareil. Avec son livre Proof of a Conspiracy. Et dedans, il dit que les Illuminati sont le début d'une menace internationale contre la liberté et le droit. Et en plus, ils sont moches. Et ils puent. Non, il a pas dit ça. Avec les deux bouquins de ces deux gars, la machine est lancée, tout est de la faute des Illuminati. On dit que c'est des gugus qui veulent renverser les états et prendre le pouvoir dans un premier temps. Et de nos jours, on a plutôt la version où c'est une élite secrète qui tient les ficelles du pouvoir. Deux exemples de ça qui nous viennent en Angleterre, un de l'époque et un qui est relativement récent. En 1799, le Parlement britannique adopte la loi pour la suppression radicale des sociétés établies dans le but de sédition et de trahison. Et en 1999, le ministre de l'Intérieur du cabinet de Tony Blair, Jack Straw, à la suite d'affaires de corruption qui concernaient des policiers et des juges dont certains se trouvaient être francs-maçons, il va annoncer être favorable à une loi qui va forcer les francs-maçons qui sont fonctionnaires dans la justice et dans la police à se déclarer volontairement comme francs-maçons et qui va aussi forcer les gens qui veulent rentrer dans ces filières à s'auto-déclarer comme tels avant. Ce à quoi on lui a dit, bah PTDR non en fait, parce que la vie privée frérot. Et c'est seulement en 2009, super récemment, qu'il a reconnu qu'aucun soupçon de favoritisme de la part des juges francs-maçons n'était fondé. Mais ça suffit pas, parce qu'il manque l'élément essentiel à toute théorie du complot qui se respecte, hein, vraiment la petite cerise sur la glace à la merde. Vous vous souvenez de Baruel, là, l'auteur qu'on avait ras le cul? Bon, alors accrochez-vous, parce que suite à ses écrits, il va recevoir un courrier des lecteurs qui dit, je cite... Non, bah on sait très bien qui c'est qui déteste le christianisme. Les Illuminati, c'est grave des juifs. Et Baruel, au lieu de juste faire « Ah ah, lol » et de jeter la lettre, il va faire « Ah ouais !» Et du coup, il met ça comme ça dans le deuxième volume de son livre, avec la lettre et tout, genre ça l'a marqué, tu vois. Et en plus, comme les francs-maçons se revendiquent de l'héritage des Templiers, ils sont souvent présentés comme étant plutôt copains avec les Juifs, parce qu'ils étaient persécutés par le même roi Philippe le Bel au Moyen-Âge. Dans la tête des gens qui vont lire son livre, ça va faire « Juif égale franc-maçon, égale Templier, égale détestation de Philippe le Bel, égale haine de la monarchie, tout ça égale Illuminati. Allez !» Emballé, c'est pesé frérot. Et je vous laisse les 10 grammes d'antisémitisme en plus à côté de la balance, ça vous va? Comme toute théorie conspirationniste, hein, c'est sans compter la réalité. Notamment sur le fait que les francs-maçons étaient chrétiens et n'acceptaient pas les juifs dans leur rang. Mais pense carrément qu'Adam Weishaupt était lui-même juif, qui est faux, mais bon, on n'est plus à un stade où la vérité a une quelconque forme d'importance. Tout ça va culminer jusque dans les années 1870. Il y a un américain du nom de Albert Pike qui va aller encore plus loin et dit que les Illuminati sont toujours là, qui cherchent à mettre à bas le christianisme pour livrer le monde de force du mal. Fait marrant, vous vous souvenez en 2020 quand aux États-Unis ça a déboulonné des statues historiques? Eh ben dans l'eau il y avait une statue de lui à Washington. Parce que le mec était un général de l'armée confédérée, ce qui était contre l'abolition de l'esclavage. Il était accusé d'être un membre haut placé du Ku Klux Klan, qui pense qu'il y a un ordre luciférien et que tous les trucs anti-bibliques en font partie. Il dit ouais, en plus ça a la même racine, les illuminés, Lucifer, tout ça. Des gens qui sont genre de sa paroisse, là, qui pensent que ce serait ce méga ordre de Satan qui décide des guerres et que la première guerre mondiale était prévue pour affaiblir les religions. faire tomber le tsar en Russie, y installer le communisme athée, renverser ta commande Domino's Pizza sur Uber Eats, un tas de bordel qui nous amènerait à une troisième guerre mondiale, dont le but serait, je cite, de détruire l'islam et le sionisme politique pour arriver à la destruction physique, mentale, spirituelle et économique. Et on va passer à ma partie préférée, hein, les preuves de sa théorie. Alors déjà, le fameux billet de 1$, hein, avec l'année imprimée dessus, 1776. Tout ça, bien sûr, à cause de Franklin Roosevelt, qui était Illuminati. Pareil, la fameuse pyramide et l'œil, hein, ça tout le monde connaît maintenant. Sa présence partout serait une espèce de marque secrète pour marquer leur présence, que les Illuminatens avaient mis au point bien avant l'existence de la radio, un moyen de communication instantané qui traverse l'Atlantique. Et donc, les Illuminati seraient si puissants et si indétectables qu'ils peuvent se permettre de laisser des traces à la vue de tous. On sait pas trop, mais on n'est plus à ça près. Et j'ai aussi fait une vidéo sur Elon Musk, le plus gros Illuminati. Allez la voir.